Section 65 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 65. Paris vivant, les enfants abandonnés, par Ali Cofignon. Il y a un édifice dans Paris le long duquel je ne passe jamais sans un certain frisson. Ce n'est point Mazas, où les hasards dramatiques de l'existence peuvent mener les plus honnêtes gens. Ce n'est point la Roquette, devant la porte de laquelle j'ai cependant déjà vu tomber tant de têtes. Ce n'est point la Morgue, sur les dalles de laquelle personne ne peut jurer qu'il ne sera jamais étendu. Mais c'est là-haut, entre le Luxembourg et l'Observatoire, cet hospice des enfants assistés, où l'on recueille les petits innocents abandonnés. L'aspect de cet établissement s'est profondément modifié depuis quelques années. Il n'offrait autrefois qu'une façade noirâtre frappée d'alignements qui étranglait la rue d'Enfer Rochereau. Elle a été entièrement reconstruite. On l'a bordée d'un large trottoir planté d'arbres, mais pour avoir dépouillé l'aspect répulsif que lui imprimaient la vétusté et le délabrement de ses anciens bâtiments, elle n'en a pas moins conservé la sécheresse administrative qui sied à un édifice de ce genre. Une femme vient de pénétrer rapidement sous le porche d'entrée, en essayant de dissimuler un paquet qu'elle tient dans ses bras. Ce paquet, c'est un petit enfant. D'un geste, le concierge lui a désigné la porte de la salle d'attente du bureau des abandons. Durant le jour, elle trouve dans ce bureau d'admission une dame chargée de recevoir l'enfant et de poser les questions d'usage à la personne qui l'accompagne. Pendant la nuit, et cela est regrettable, le même rôle est joué par un des employés de l'hospice. Pour une pareille mission, une femme a plus de tact, plus d'instinct. Une femme seule peut trouver le chemin du cœur d'une mère en prononçant la phrase sacramentelle « Savez-vous que vous ne pourrez plus revoir votre enfant? Que vous ignorerez toujours où il sera placé? Qu'à toutes vos demandes, on se bornera à vous dire seulement s'il est mort ou vivant? » Il y a des mères que ces paroles n'émeuvent point. Certaines, cependant, par impression nerveuse, voire même par convenance, se laissent aller à des scènes déchirantes pour le spectateur non prévenu, odieuses pour l'observateur patient et cruel. Oui, il est certaines femmes qui croient de leur devoir de témoigner une douleur profonde au moment de la séparation. Celles qui crient ont généralement les yeux secs et le cœur dur. Celles qui pleurent silencieusement, courbant la tête sous le poids de la honte et déjà peut-être du remords, sont autrement intéressantes. À toute femme qui se présente pour abandonner son enfant, on offre des secours si elle veut continuer à l'allaiter ou à l'élever elle-même. Sachant cela, il est des mères qui usent d'un véritable chantage à l'égard de l'assistance publique. Elles sont malheureuses, c'est un fait, et pourraient obtenir des secours d'indigence, mais elles savent qu'en menaçant d'un abandon, elles recevront des subsides plus élevés. Si elles l'ignorent, quelqu'un se charge bien de le leur enseigner. Alors elles se présentent à l'office et font si bien qu'on leur alloue tous les secours possibles. Un des anciens directeurs de l'assistance publique, M. Michel Morin, s'était préoccupé de rechercher une base d'appréciation pour les présomptions des abandons d'enfants. La pratique l'avait amené à ceci. L'âge de l'enfant est l'élément primordial pour une appréciation. Plus l'enfant est jeune, plus la crainte d'abandon est sérieuse. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que plus l'enfant est jeune, plus il est exposé à la mort et plus il importe de le sauver. En conséquence, toute demande de secours concernant un enfant de premier âge doit être privilégiée. Lorsque l'enfant a dépassé 1 an, il y a déjà moins d'urgence. Au-dessus de 4 ans, sauf les cas où la menace d'abandon est imminente, c'est plutôt un secours d'indigence que peut accorder l'assistance publique. Au-dessus de 12 ans, les chances d'abandon existent très rarement. Une autre présomption d'abandon est tirée de l'état civil de l'enfant. Est-il naturel? La crainte d'abandon est considérée comme plus sérieuse. Est-il légitime? Cette crainte diminue notablement. La situation est encore modifiée si la mère de l'enfant naturel vit en ménage régulier et n'est pas abandonnée du père de l'enfant, ou, si la mère de l'enfant légitime est veuve, chargée d'enfants ou délaissée par son mari. L'enfant est abandonné. Dans le bureau d'admission, on constate son sexe, puis on rive autour de son cou un collier en os auquel est suspendue une médaille portant un numéro d'ordre et d'inscription. Tout enfant en bas âge entrant à l'hospice des enfants assistés, qu'il soit abandonné ou simplement placé en dépôt, c'est-à-dire en garde, est ainsi pourvu d'un collier et d'une médaille qui servent à prévenir toute substitution d'enfant. Les colliers de dépôt sont bleus pour les garçons et rouges pour les filles. Après la formalité du collier, vient celle de l'inscription sur un petit carré de parchemin où l'employé note en même temps que le numéro de dépôt le jour de l'admission de l'enfant, le lieu d'où il vient, son numéro d'inscription sur le registre de l'hospice et la catégorie à laquelle il appartient. Ici, il y a encore une distinction à faire dans les carrés de parchemin. Ils sont imprimés en noir pour les garçons et en rouge pour les filles. Le carré de parchemin est destiné à accompagner l'enfant à travers l'hospice. Il est attaché au rideau de son berceau, de telle sorte que si besoin est de faire une recherche, on n'a qu'à jeter les yeux sur ce parchemin, ce qui dispense de lever l'enfant pour atteindre la médaille enfouie dans les langes. Le carré de parchemin joue le même rôle que les pancartes des malades dans les hôpitaux. Deux coups de cloche ont retenti. C'est un appel fait par la dame ou l'employé du bureau d'abandon. Une infirmière se présente, quelques secondes après, pour prendre l'enfant des bras de sa mère. C'est fini. La mère retourne à la rue. L'enfant entre à l'hospice. Un abîme existe maintenant entre ces deux êtres. S'il est abandonné à moins de 9 mois, on l'apporte à la crèche, une admirable salle où les berceaux blancs s'alignent en double rangée, séparés par une large allée centrale. Une cheminée monumentale où brille un beau feu clair occupe le milieu de la salle. Devant la cheminée, un couchoir est placé pour servir au démaillotage des enfants. Tout auprès, 5 ou 6 jeunes nourrices allaitent au sein les nouveau-nés. Quel calme, quelle innocence parmi ce petit monde! Dans chaque berceau, un enfant repose. Lorsqu'on entr'ouvre les rideaux, on le voit rose, dormant, à poings fermés. Si le grand jour vient à l'éveiller, il tend les lèvres, il les agite, comme pour saisir la mamelle de la mère qui l'a reniée. Cette crèche si propre, si belle, semble au premier abord ne devoir inspirer que des idées sinon riantes, au moins rassurantes sur le sort des petits abandonnés. Pourquoi faut-il que toute cette blancheur de petits berceaux vous laisse une impression funèbre? L'admission d'un enfant abandonné au nombre des enfants assistés du département de la Seine est prononcée en dernier ressort par le directeur de l'assistance publique dès le lendemain matin du jour de l'abandon. La décision survenue est aussitôt télégraphiée à l'hospice afin que toutes les mesures soient prises en vue de préparer sans retard le départ de l'enfant en province. Il ne séjourne jamais à l'hospice qu'un jour ou un jour et demi, à moins qu'il ne soit malade et qu'il y ait péril à lui faire supporter la fatigue d'un voyage. Avant son départ, on lui retire le collier de couleur qui lui avait été passé au cou et on rive un second collier d'os blanc pourvu d'une médaille en argent portant son numéro d'ordre et le mot « Paris » d'un côté, de l'autre se trouve frappé l'effigie de la République. L'enfant doit conserver ce collier jusqu'à sa 6e année révolue. S'il vient à être brisé, un procès-verbal de constat doit être rédigé par le maire de la localité où il est élevé. Cette pièce doit porter le signalement complet de l'enfant pour prévenir toute substitution. Un livret est en outre remis à la nourrice. À la première page, on y annexe le carré de parchemin qui a suivi l'enfant dans ses pérégrinations à travers l'hospice. Le petit abandonné n'a plus qu'à partir maintenant. Suivant l'étoile sous laquelle il sera né, sa fortune peut être bien diverse. C'est le hasard qui détermine d'abord son placement. Il s'en ira au nord, à l'est, à l'ouest, suivant l'heure à laquelle il a été abandonné. Chaque jour, en effet, il arrive à l'hospice dépositaire un convoi de nourrices dirigé sur Paris par une des 29 agences créées en 1821, dans quelques départements pour mettre un terme aux incroyables exactions des meneurs qui se livraient à la plus odieuse exploitation des nourrissons, des nourriciers et de l'assistance publique elle-même. Les agences où s'en vont les enfants abandonnés forment trois groupes topographiques. Au nord, le Pas-de-Calais et la Somme. À l'est, la Côte d'Or, l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire et l'Yonne. À l'ouest, le Loir-et-Cher, la Sarthe, l'Orne et l'Ille-et-Vilaine. Mais, quel que soit le lieu du placement, le but que se propose l'assistance publique ne varie point. Il s'agit de refaire une famille à l'abandonné. En même temps que son lait, la nourrice donne son affection à l'enfant. Il ne s'agit pas là d'un nourrisson qui, après avoir été gavé, sera repris par ses parents et perdu pour la femme qui lui a donné les premiers soins. C'est un enfant qui est destiné à vivre de la vie commune de la famille. Plus tard, il en partagera les joies et les peines. En attendant, ses peines et ses joies, c'est la mère nourricière qui les ressent en veillant sur le petit être dont le sort a été mis, en quelque sorte, entre ses mains. À se pencher sur sa couche pour interroger sa pauvre petite figure, aux traits tirés par la maladie, à le bercer dans ses bras pour l'endormir, à lui donner le sein pour l'apaiser, la nourrice sent fondre son indifférence. Bientôt, un doux sentiment se crée chez la paysanne. Elle n'a pas donné le jour à l'enfant, c'est vrai, mais elle se dit, inconsciemment peut-être, qu'elle lui a donné la vie en le recueillant, en le veillant, en le soignant. Chaque inquiétude, chaque peine devient un lien nouveau. Voilà le véritable amour maternel, et non cette voix du sang mélodramatique dont on a tant abusé. Le mot de D'Alembert à Condorcet est fameux. « Ma vraie mère est celle qui m'a nourri de son lait, je n'en connais point d'autre. » Combien de D'Alembert parmi les abandonnés, au point de vue de la reconnaissance aux nourriciers? Je me suis montrée justement sévère à l'égard des filles mères abandonnant leurs enfants, et cependant que d'inconscientes parmi elles, affolées par le désir de couvrir leurs fautes par les perspectives de misère. C'est aux mégères qui les poussent à cet abandon qu'il conviendrait de s'en prendre, mais elles échappent à toute atteinte. Chez toutes les accoucheuses interlopes, on sait aujourd'hui que l'hospice des enfants assistés reçoit les nouveau-nés à bureau ouvert. Plus d'interrogatoires et d'enquêtes du commissaire de police à redouter pour la sage-femme. Dès que l'enfant est né, pour 2 francs, le prix de la course, une pauvresse du voisinage ira déposer l'enfant rue d'Enfer-Rochereau. Des renseignements, cette femme serait très embarrassée d'en donner. Lui en a-t-on fourni à elle-même? Que pourrait-elle répondre à la demande d'usage? A-t-on dit à la mère que des secours pouvaient lui être alloués par l'assistance publique? Et non, on lui a tenu un tout autre langage. Pensez donc, ma petite, vous allez vous embarrasser d'un enfant, mais c'est une folie. Comment arriverez-vous à vivre avec un enfant sur les bras? Vous n'y songez pas, vous ne pourrez pas vous placer, et plus tard, si vous trouvez un bon parti, est-ce que cet enfant ne sera pas un empêchement? Laissez-le aller à l'hospice, vous serez toujours libre de le reprendre le jour où votre position sera assurée. Beaucoup de femmes en arrivent à considérer l'abandon comme une façon économique d'élever leurs enfants. À les entendre, elles ne les ont pas abandonnés, mais elles s'en sont séparées temporairement par suite de circonstances indépendantes de leur volonté. Rien n'est plus curieux à ce sujet que d'étudier le service des nouvelles qui fonctionne avenue Victoria dans les bureaux de l'assistance publique. Tous les 3 mois, les directeurs d'agences de province fournissent un état relatif aux enfants. Les morts sont rayés des registres matricules. Tous les 3 mois, donc, on est en mesure de fournir des renseignements sur l'existence de l'enfant. Les intéressés sont invités à se présenter spécialement pendant la seconde quinzaine des mois de février, mai, août et novembre, où les nouvelles sont plus récentes. Le bureau des nouvelles est situé tout en haut d'un interminable escalier. Un couloir long et étroit aboutit à la porte d'entrée. De 10h à 3h, le couloir est transformé en salle d'attente. Assises sur un banc, les femmes, qu'une même faute a rapprochées, attendent leur tour. Ne croyez pas que le couloir ait l'aspect morne que vous seriez tenté d'imaginer. Il s'y trouve toujours quelques bonnes langues pour mettre en train une conversation générale. Parfois, on y voit des nichées d'enfants, frères et sœurs désabandonnés. Une à une, les femmes ont accès dans le bureau. « Monsieur, dit l'une, mon enfant a été porté à l'hospice. Tel jour, à telle heure, je voudrais bien en avoir de ses nouvelles. « Comment s'appelle-t-il ? » Elle donne un nom, l'employé compulse ses registres, s'assure que la demanderesse est bien la mère. Enfin, il laisse tomber cette réponse glaciale. « Il existe. » Avant qu'elle se retire, l'employé lui remet un petit carton portant un numéro d'ordre destiné à simplifier les recherches pour une autre fois. Alors voici cette femme qui fond en larmes. « Oh, monsieur, monsieur » sanglote-t-elle. « Dites-moi où vous l'avez mis, mon enfant !» Le règlement est là, formel. L'employé se retranche derrière, en prévenant la mère que, si elle veut réclamer son enfant, elle n'a qu'à s'adresser à tel bureau qui lui indique. Maintenant, à une autre. Celle-ci est une habituée. L'employé constate, en relevant le nombre des coups de crayon qu'il a tracés pour noter chaque visite, qu'il y a plusieurs années qu'elle se présente. Mais il ne se presse pas de répondre. Parfois, il entame des circonlocutions. Les nouvelles sont mauvaises. L'enfant était très malade quelque temps auparavant. Il se pourrait même... Elle a compris. Elle prend machinalement un papier que lui tend l'employé. Elle y lit le nom de son enfant, la date de son décès, le lieu de son placement qui lui avait été caché jusque-là. En bas, il y a une note. Pour se procurer l'acte de décès de cet enfant, il faut en faire la demande au maire de la commune où le décès a eu lieu en y joignant un mandat de 2,50 francs par la poste. On assiste souvent à des changements de physionomie effrayants chez ces femmes qui écoutent ainsi la fatale nouvelle. Qui peut dire ce qui se passe dans leur esprit, dans leur cœur? Toutes défilent comme des énigmes vivantes, même celles qui ne recueillent que de bonnes nouvelles. Veut-on quelques silhouettes? Qu'est-ce que cette jeune femme brune, qui semble avoir 20 ans à peine, enveloppée dans un riche manteau de velours, la figure enfouie dans un boa de plumes d'autruche? Une étrangère, assurément. Cela se devine à la pointe de rastaquérisme qui marque son élégance. Elle vient prendre des nouvelles d'un enfant qui a 5 ans environ. Comment a-t-il été abandonné? D'une façon peu ordinaire. Une femme s'est présentée dans un poste de police et a déclaré aux agents qu'elle apportait un enfant qu'elle venait de ramasser au pied d'un arbre dans un square. Aussitôt ouverte, l'enquête du commissaire démontra que jamais l'enfant n'avait été exposé, mais que c'était sa propre grand-mère qui avait mis en scène cette comédie. Je dis cette comédie, est-ce bien le mot qui convient? Qui sait quel drame a été dénoué par ce simulacre d'exposition? Cette autre femme, qui survient, ne ressemble en rien à la première. Il est bien difficile de définir au jugé sa profession journalière. Elle est hideuse physiquement, voilà qui est certain. Elle peut avoir 45 ans, mais elle paraît en compter davantage tellement son être entier est flétri. Des monstruosités viennent à l'esprit quand on pense à la maternité de cette femme. Elle a tendu tranquillement son petit carton à l'employé qui, après avoir compulsé plusieurs registres, lui a répondu « Ils existent. » « Tous les quatre ? » demande-t-elle encore. Ainsi, cette femme a abandonné ses 4 enfants. 4 enfants. Mais c'est 6 qu'elle a abandonnés. 2 sont morts. Si les 4 autres survivent, je doute fort que jamais ils lui soient rendus. Une jeune fille vient de se glisser dans le bureau. Elle est essoufflée, elle a couru, grimpant 4 à 4 le long escalier. Sa taille svelte ne laisserait jamais soupçonner une grossesse antérieure. Sa figure innocente ne donnerait point à croire à une faute passée. Elle a une inquiétude dans son minois chiffonné d'ouvrière parisienne, coquettement coiffée en cheveux. Cette inquiétude lui vient-elle du sort de son enfant? Sans doute, car, en apprenant qu'il vit, elle fait un sourire et, prestement, elle repart. Évidemment, elle est en course. Peut-être a-t-elle fait un long détour pour venir avenue Victoria. Une autre arrive, une femme, chez qui tout annonce la maturité de l'âge et de la raison. Une alliance brille à son doigt, c'est une de ces figures qu'on voit trôner derrière un comptoir de boutiquier. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour deviner qu'elle a une faute à cacher à son entourage. Le petit carton jaune qui lui a été délivré est bien petit. Il mesure exactement 8 cm sur 5. Pour diminuer encore son volume, elle l'a plié et replié. Il n'est évidemment rien de plus facile à une femme que de dissimuler dans un ourlet de robe le carton réduit à sa plus simple expression grâce à ses pliures. Les hommes s'informent plus rarement au bureau des nouvelles. Il en vient cependant de toutes les conditions. De temps à autre, un gentleman se présente, disant qu'il désirerait avoir des nouvelles de tel enfant, abandonné en telle année, en telle ou telle circonstance. « À quel titre faites-vous cette demande ?» interroge l'employé. Ici, une pause, un instant de réflexion de la part du visiteur. Enfin, il se décide à avouer qu'il est le père. C'est un péché de jeunesse, une séduction suivie d'un lâche abandon. Il est riche maintenant, et bien que sa position ne lui permette pas de reprendre son enfant, il voudrait disposer en sa faveur de quelques billets de 1 000 francs. Une autre fois, ce n'est pas le père qui se présente, mais l'amant d'une ancienne fille-mère. Aucun renseignement ne peut lui être fourni. Il insiste, alléguant que la mère ne peut venir elle-même, elle est malade du saisissement que lui a causé un horrible cauchemar, son enfant lui est apparu en songe, c'était un monstre cadavérique, elle veut de ses nouvelles, et il insiste encore, elle doit être très jolie femme, cette fille, car on sent chez ce visiteur la crainte de lui déplaire. Enfin, le registre est compulsé, c'est vrai, l'enfant vient de mourir. Aux mères qui ne peuvent venir elles-mêmes chercher des nouvelles de leur enfant, et la plupart des domestiques sont dans ce cas, on en envoie sur leur demande. Le courrier est très chargé chaque jour. Sur 20 lettres reçues, il est bien rare de ne pas en trouver 2 ou 3 réellement intéressantes. « Monsieur le directeur, écrit l'une, pardonnez-moi la liberté que je prends de vous écrire ces mots pour avoir des nouvelles de ma petite fille que je vous ai portée le de cette année âgée de 20 mois. « Monsieur, je suis chez mon père depuis 2 jours, dans le département de la Nièvre. Alors mon père me fait demander à monsieur le directeur si c'était un effet de sa bonté de me rendre ma petite fille, car mon père, ainsi que moi, nous serons bien contents de l'avoir auprès de nous, car monsieur le directeur doit bien penser que c'est la misère qui m'a poussée à la mettre aux enfants assistés, car j'aimais trop ma petite fille pour l'abandonner. Monsieur, si vous pouvez me la rendre, je vous serai bien reconnaissante, ainsi que mon père. Vous aurez la bonté de nous le dire en nous donnant de ces nouvelles. » J'ai pris le texte de cette lettre, de même que celles qui vont suivre, dans un courrier du jour, au hasard. J'en ai choisi 3 qui laissaient plus particulièrement deviner un drame intime. Mais n'est-elle pas aussi éloquente, cette larme dont j'ai retrouvé la trace sur le satinage d'un papier à lettres, l'arme écrasée sous le tampon d'un mouchoir pour arrêter les bavures de l'encre humectée. La seconde lettre est naïvement conçue. J'en respecte même l'orthographe. « Monsieur, veuillez avoir la bonté de me dire si je pourrais donner quelque chose tous les mois pour ma fille. Cela me fait tant de peine de la sentir éloignée de moi sans savoir là où elle est. Je ne pourrais pas donner beaucoup. » Et ayant déjà un enfant que je dois payer ses mois de nourrice. Moi seule, je suis une simple domestique. Je ne suis pas bien forte et je ne gagne que 30 francs et je donne 25 francs par mois de nourrice. Je n'ai rien de personne et mes maîtres ne le savent pas. » Cette lettre est très touchante. Elle nécessite un commentaire pour bien en préciser le sens. Pendant la première moitié du siècle jusqu'en 1852, les femmes qui voulaient avoir des nouvelles de leur enfant abandonné étaient astreintes à un versement pour frais de recherche. Ce versement n'était pas inférieur à 5 francs chaque fois. C'était un droit inique, supprimé avec juste raison. Au dire des sages-femmes en train de pousser les filles mères à l'abandon, ce droit existerait encore. Il suffirait de payer pour savoir où l'enfant abandonné se trouve placé en nourrice. Quand les mères se rendent ensuite à l'assistance publique, on a toutes les peines du monde à les désabuser. Ne devrait-on pas poursuivre avec la dernière rigueur les matrones éhontées, coupables de cette odieuse escroquerie, de cet abus de confiance inqualifiable? Il y en a qui poussent l'audace jusqu'à se rendre en personne à l'assistance publique accompagnant la fille mère qui n'ose venir seule pour demander des nouvelles de son enfant. Les employés ont le coup d'œil assez sûr pour reconnaître la sage-femme lorsque deux femmes se présentent à la fois. « Quelle est la mère ?» demande l'employé. Quand celle-ci s'est désignée, il ajoute « Et vous, madame ?»« J'accompagne mademoiselle. Je le vois bien, mais qui êtes-vous »« Je suis la sage-femme qui a fait l'abandon. Alors je vous prie de vous retirer. Madame peut seule rester ici et avoir des nouvelles de son enfant. Mais, monsieur, il n'y a pas de mais ni de monsieur qui tienne. Il lui faut déguerpir. D'un geste, l'employé lui a indiqué une pancarte indicatrice confirmant l'avis qu'il vient de lui donner. Je passe à la troisième lettre. Monsieur le directeur, je me permets de vous adresser ces deux mots pour que vous me donniez des nouvelles de mon fils, votre élève, etc. Je pense, monsieur, que vous serez assez bon pour lui donner mon adresse, car il va avoir 21 ans. Si ça lui fait plaisir de revoir sa mère, il pourra venir, car il a une sœur et deux frères qui seraient très heureux de le revoir. Car si je n'ai jamais pu le reprendre, c'est que j'étais en droit de mari. Et maintenant, je suis veuve. Ce sera mon grand bonheur de le revoir, car je l'ai allaité comme ses frères, et si je l'ai abandonné, c'était la grande misère, mais vous savez que je me suis toujours occupée de lui. Je pense que vous serez assez bon pour prendre ma lettre en pitié et que vous permettrez à une mère de revoir son fils. » Je ne poursuis pas ces citations, car elles pourraient se continuer à l'infini. Ce sont trois thèmes qui présentent des variantes inépuisables. Un grand nombre de lettres émanent encore de personnes diverses. On se contente de leur répondre qu'aucun renseignement ne peut être fourni qu'à la mère ou à la personne qui a effectué l'abandon. Occupons-nous enfin des retraits d'enfants par leurs parents. Les demandes formées par le père ou la mère doivent être appuyées du bulletin de naissance de l'enfant et d'un certificat d'un maire ou d'un commissaire de police constatant que la personne qui sollicite la remise est de bonne vie et mœurs et qu'elle a des ressources suffisantes pour élever convenablement l'enfant qu'elle réclame. Si l'enfant est naturel, on exige qu'il soit reconnu conformément à l'article 334 du Code civil. Une somme de 60 francs est accordée aux femmes qui légitiment leurs enfants au moment du retrait. L'assistance publique a un rôle très épineux au sujet de ces retraits. Elle doit agir tout à la fois dans l'intérêt de l'enfant et dans celui des parents. Ces derniers sont libres de redemander leurs enfants jusqu'à 21 ans, mais l'enfant n'est pas autorisé à chercher à connaître et à retrouver les auteurs de ses jours. À partir de 21 ans, les rôles changent. Le jeune homme, ou encore la jeune fille, devient libre de faire ce que bon lui semble à cet égard, mais l'assistance refuse aux parents de les mettre de sa propre autorité en rapport avec leurs enfants majeurs. Elle se borne à aviser ceux-ci que leurs parents demandent à les revoir. C'est à eux à réfléchir sur le parti qu'ils ont à prendre. On se fait un scrupule d'influer en rien sur leur détermination dans un sens ou dans l'autre. Il est rare que l'assistance publique refuse aux parents de leur rendre leurs enfants. Il faut qu'elle ait des doutes bien sérieux sur la moralité des réclamants. Parfois, cependant, l'intérêt de l'enfant commande impérieusement de le laisser dans sa famille nourricière où il s'est fait une place et où son avenir est assuré. L'administration possède alors un moyen quasi infaillible d'obstruction. Pour consentir à rendre l'enfant, elle réclame, conformément à la loi, le paiement de tous les débours effectués pour lui depuis le jour de son abandon. D'autres fois, il y aurait avantage à rendre l'enfant à la mère qui le réclame lorsque cette femme est dans une situation de fortune souvent brillante, lorsque l'âge l'a assagie et que, faute d'autres amours peut-être, il lui vient un relent d'amour maternel. Mais alors, c'est le petit abandonné qui refuse énergiquement, avec obstination et colère, de quitter ses nourriciers, trouvant dans son cœur le mot célèbre de D'Alembert « Ma vraie mère est celle qui m'a nourrie de son lait, je n'en connais point d'autre. » Fin de la section 65, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en janvier 2025.